S'il est vrai que s'arrêter permet de repartir rapidement car le conducteur doit rester au volant ou à proximité immédiate, il n'est pas autorisé de se placer n'importe où. Il sera toujours interdit de faire un arrêt dans trois cas. Les endroits dangereux où l'arrêt pourrait provoquer un accident, les endroits où la gêne pour la circulation serait très importante, les endroits où l'on oblige un autre usager à faire une faute de conduite. Ici, on a un peu des trois cas en même temps. S'arrêter ici imposerait que les conducteurs derrière soit nous dépassent, et cela serait dangereux et interdit à cause de la ligne continue, soit restent derrière, et ce serait particulièrement gênant. Même si personne n'arrive derrière, il n'est pas question de se placer ici pour s'arrêter. Réponse B et D.